Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 76. De la malédiction. Est-il permis de maudire? Quel péché est-ce? Comparaison de la malédiction avec la détraction. 1. Peut-on maudire un homme? Moïse a dit, maudit soit celui qui n'observera pas la loi. Deutéronome 27, 26. Le prophète Élisée a maudit les enfants qui se moquaient de lui. 4. Rois 2, 24. La malédiction proprement dite, par laquelle on souhaite d'une manière absolue le mal d'autrui, est mauvaise à cause de cette intention formelle du mal. Mais la malédiction indirecte, par laquelle on souhaite un mal en vue d'un bien, peut être licite. Le juge maudit le coupable qu'il frappe d'une peine méritée, l'Église maudit certains pécheurs dans ses anathèmes, les prophètes maudissaient tous les méchants au nom de la justice de Dieu. Nous pouvons nous-mêmes souhaiter à un homme une maladie, un obstacle quelconque, qui le rende meilleur ou l'empêche de nuire aux autres. Note. Souhaiter du mal à quelqu'un en vue d'un bien, ce n'est manquer ni d'affection, ni de bienveillance à son égard, c'est, au contraire, accomplir un devoir envers lui. On conçoit bien qu'il n'est jamais permis de maudire la nature des êtres, pas même celle des démons, qui vient de Dieu. Fin de la note. 2. Peut-on maudire les créatures irraisonnables? Le Sauveur a maudit un figuier, Matthieu 21-19, Job a maudit le jour de sa naissance, Job 3-1. La malédiction, comme la bénédiction, ne concerne proprement que la créature raisonnable, la seule qui soit susceptible de bien et de mal. Il peut cependant arriver que les créatures irraisonnables, appelées bonnes ou mauvaises par rapport à l'homme, pour lequel elles existent en réalité, soient, à un triple point de vue, l'objet d'une malédiction. Premièrement, elles subviennent à nos nécessités, et, dans ce sens, Dieu dit au premier homme, que, la terre soit maudite dans ton travail, Genèse 3:17, afin que tu sois puni par sa stérilité. Telle est aussi la signification de ces paroles de Moïse, maudits seront vos greniers. Deutéronome 28, 5. En second lieu, elles servent à l'homme de signe ou de symbole, c'est ainsi que le Seigneur maudit le figuier qui représentait la Judée. Enfin, elles ont avec nous un certain rapport de convenance, par le temps et le lieu, voilà comment Job maudissait le jour où il avait contracté le péché originel et les maux qui en sont la suite, et David, les montagnes de Gelboé, où le peuple venait d'éprouver un grand désastre, mais maudire les créatures irraisonnables en tant qu'elles sont l'œuvre de Dieu, ce serait un blasphème. Les maudire en elles-mêmes est une malédiction oiseuse, vaine et illicite. 3. Est-ce un péché mortel de maudire un homme? Les hommes de malédiction, a dit saint Paul, ne posséderont pas le royaume des cieux. 1 Corinthiens 6, 10. Souhaiter ou provoquer le mal de quelqu'un étant un acte contraire en soi à la charité par laquelle nous voulons le bien de ceux que nous aimons, la malédiction est dans son genre un péché mortel, qui augmente de gravité suivant que l'on doit plus d'amour et de respect à la personne maudite. De là cette sentence, celui qui aura maudit son père et sa mère sera puni de mort. Lévitique 20, 9. Quelquefois, cependant, une parole de malédiction n'est qu'un péché véniel, soit parce que le mal qu'on souhaite à autrui n'est pas grave, soit parce que le sentiment qu'il a fait prononcer est une étourderie, une plaisanterie ou une surprise. Les paroles doivent surtout être jugées par l'esprit dans lequel elles sont dites. 4. La malédiction est-elle plus grave que la détraction? Toute chose égale d'ailleurs, c'est un plus grand péché de porter un préjudice réel au prochain que de lui en souhaiter un. La détraction, qui cause au prochain un préjudice réel, est un péché plus grave que la malédiction produite sous forme de souhait. La malédiction faite par manière de commandement, et qui devient par là même une sorte de cause, est plus ou moins grave que la détraction, suivant qu'elle entraîne un préjudice supérieur ou inférieur à la diffamation. Ces appréciations, on le conçoit, peuvent être modifiées par des circonstances aggravantes ou atténuantes, nous ne considérons ici que la nature propre de ces péchés. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.